connaissez-vous les crises d'angoisse ? La gorge qui se serre, le souffle qui se coupe ou la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat à 100 à l'heure, ces symptômes sont fidèles à l'étymologie. L'angoisse vient du latin angustia qui signifie le resserrement, le passage resserré. Mais comment le corps peut-il exprimer une crainte qui ne le concerne pas ? Et ces crises ont-elles forcément quelque chose à nous dire ? Angoisse, pulsion de mort, érotisme et civilisation, c'est le programme du jour. L'autre jour que vous avez eu cette crise d'angoisse, quand je vous ai proposé de l'aide, vous avez décliné en disant exactement cette même phrase. Ça passe toujours. Mais c'est pas aussi grave que ça en a l'air. C'est vraiment sans importance. Pourtant impressionnant pour quelque chose de pas important. Vous avez parlé à votre médecin de vos insomnies, vous a prescrit des somnifères, mais vous ne lui avez jamais parlé de vos attaques de panique. Mais parce que ce ne sont pas les attaques de panique, enfin, ça n'arrive pas dans des situations stressantes. Très bien. Quand arrive-t-elle alors ? Bah, quand je suis fatigué, comme en ce moment, là. Puis ça peut m'arriver au cinéma ou à un dîner avec des amis. Ou en thérapie, manifestement. Bah, écoutez, je ne suis pas en thérapie. Hein. Vous êtes encore à l'essai. La semaine dernière, c'était comme un entretien d'embauche raté. D'accord. Mais je suis revenu. Si vous êtes revenu aujourd'hui, c'est peut-être que quelque chose vous a interpellé la dernière fois. Non, écoutez, moi je suis un type concret. Si on propose quelque chose, j'essaie. Si ça marche pas, j'arrête, voilà. En réalité, c'est pas la crise d'angoisse en elle-même qui m'intéresse, mais la façon dont vous allez la raconter. Bonjour Paul-Laurent Hassoun. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris, psychanalyste. Avez-vous vu la série qui s'appelle En thérapie, créée par Éric Toledano et Olivier Nakache? Et ici, c'était un épisode réalisé par Emmanuel Bercot avec Jacques Weber et Frédéric Pierrot. Oui, tout à fait. Il y a eu peut-être certaines craintes et préjugés sur le fait que la représentation de l'analyse peut renvoyer à des fantasmes, à des approximations. Mais je trouve que c'est probablement de tout ce que j'ai vu, d'allusion à la psychanalyse, qui se rapproche le plus d'une certaine vérité de l'analyse. Voilà. Il est question dans cet extrait d'une crise d'angoisse, et le psy à la fin dit « mais c'est pas les raisons de la crise d'angoisse qui m'intéressent, c'est comment vous allez en parler, comment vous allez la raconter. Est-ce qu'on peut jamais être fidèle à l'expérience d'une crise d'angoisse ?» C'est la rencontre entre le corps, comme vous l'avez déjà évoqué, explosif. Au fond, c'est dans l'angoisse que je m'aperçois à quel point j'ai un corps dans lequel je suis en quelque sorte muré pendant toute la crise d'angoisse. Mais c'est un être parlant, bien sûr. Le corps est un être parlant. Oui, voilà. C'est le rapport entre ce que Lacan appelle le par-l'être et le corps qui explique que l'angoisse se trouve en quelque sorte au confin entre les deux. Freud rappelle d'abord que c'est un affect, hein, mais il ajoute immédiatement que c'est l'affect des affects. L'angoisse. Voilà. Alors, autant l'angoisse a une dimension énigmatique qui incline à la métaphysique, comme on se souvient de Kierkegaard et d'autres, hein, autant la psychanalyse, elle, prend cet affect dans son immanence. Hein, mais comme souvent, j'ai été frappé, moi j'ai eu une double formation, philosophie et ensuite psychanalyse, sur le fait que Freud, qui ne veut pas faire de métaphysique, surtout pas, eh bien, il arrive par la clinique à revenir à des interrogations métaphysiques majeures. Bon. Ça veut dire que l'angoisse a une définition proprement psychanalytique ? Oui. Quelle est-elle ? Alors, le mot en allemand, c'est « Angst », hein ? Vous avez rappelé déjà le resserrement, c'est comme la nanquée, enfin quelque chose qui se resserre dans la gorge. Hein ? Il faut bien distinguer d'emblée la simple peur. Une peur intense, une peur forte ne fait pas véritablement une angoisse. Il faut aussi le distinguer, comme le fait Freud, de l'effroi. Mm-hmm. L'effroi, c'est être complètement dépassé de façon ponctuelle par un événement traumatique qui introduit cet affect explosif. L'angoisse, c'est autre chose, c'est pas, et qui apparaît donc comme, d'une certaine manière, un moment de vérité de l'inconscient. Voilà, c'est à ce titre que ça intéresse Freud, bien sûr. Donc ça veut dire que l'angoisse et la crise d'angoisse signifient toujours quelque chose ? Toujours. Alors, bien sûr, il faut voir la différence qu'il y a entre l'anxiété et l'angoisse. Une anxiété petite ou même grande. Vous savez, maintenant, on s'est débarrassé du mot angoisse en mettant stress. systématiquement à la place, pourquoi pas. Et puis Saïli, bon, je vois sa contribution effectivement à des mécanismes intéressants. Mais comme par hasard, je me demande parfois si le fait de remplacer systématiquement le mot angoisse par le mot stress, hein, je suis stressé, c'est pas un évitement du signifiant angoisse. Bon. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Ça veut dire que justement, dans l'extrait, on voit bien comment le sujet minimise. C'est ça. Hein? Elle dit ça passe toujours. Voilà, ça passe. Mais c'est exactement ça. L'angoisse, c'est une puissance mystérieuse, n'est-ce pas, qui s'invite. Et c'est un mauvais quart d'heure à passer, l'angoisse. Hein? Voilà. Et ensuite, elle va voir ailleurs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, à ce moment-là, le sujet, même quand il ne veut pas croire à son inconscient, ou un certain rapport à une altérité mystérieuse qui travaille en lui, peut dire que, bon, ben voilà, ça arrive, quoi. Alors, on est stressé, on est surmené, on est surbooké, on est bon. Mais affrontons le mot angoisse, quoi, qui est un mot qui a une tenue tout à fait particulière. Freud dit que l'angoisse, peut-être qu'il va falloir revenir quand même au vécu, mais l'angoisse, très belle formule dans Inhibition, symptômes et angoisse, puisque Freud a parlé de l'angoisse depuis la fin des années 1890, jusqu'à au moins Inhibition, symptômes et angoisse. Il dit que l'angoisse renvoie à des affects qui s'écartent de façon anormale du fleuve de la vie. Je trouve cette formule extraordinaire. Voilà. Comme inutile. C'est vrai que quand on a une angoisse, on se demande à quoi ça sert. Enfin, ça sert à m'angoisser, justement. Hein. Mais j'ai l'impression que le fleuve de la vie et des affects est interrompu, d'une certaine façon. Mais ça veut dire que le fleuve de la vie serait forcément tranquille, pour Freud ? Oui, c'est-à-dire qu'on s'attend. Bien sûr, quand il dit ça, c'est qu'on s'attend à ça. Naturellement, ce que Freud va montrer, c'est que ça a l'air inutile et c'est très très important. Mais pourquoi je suis angoissé en plus ? Anxiété, bon, ben c'est parce que j'ai un souci. Le stress, c'est parce que il y a un problème d'environnement, une journée difficile, etc. Mais l'angoisse, la vraie, elle se manifeste par ce côté qui vient comme un cheveu sur la soupe, quoi. Hein ? Alors que faites-vous face à un patient qui ne nommerait pas ce qu'il se passe avec le terme d'angoisse? Quel est le rôle du psychanalyste à ce moment-là? Oui, on ne va pas le harceler en disant « mais dites le mot ». Mais voilà, le point très important, c'est que je le dis tout de suite, Freud, là où il dit que ça semble inutile, hein, il note bien que c'est d'une grande utilité, mais utilité pourquoi, hein? Alors bien sûr, il y a toute la question du malaise existentiel qui a de quoi être angoissé. Et je parlerai de Kierkegaard. Freud avec Kierkegaard, c'est intéressant comme thème. Bon, voilà. Oui, on en parlera demain de Kierkegaard, mais voilà. Bon, si mais vous c'est, l'évoquez. C'est utile à quoi? Voilà, c'est ma transition. Utile au désir. Voilà. L'angoisse est utile au désir. Voilà, et il y a ce paradoxe très grand que j'angoisse là où je désire. On pourrait dire au contraire, le désir s'épanouissant, oui. Mais remarquons que chaque fois que le désir est fort, comme dans l'amour, l'angoisse se pointe. Hein, si, par exemple, il y a un détachement, n'est-ce pas, d'échanges agréables, il n'y a pas d'angoisse. Donc, il y a un sérieux de l'angoisse. Hein. Et de ce point de vue-là, oui, l'angoisse est un moment aussi de l'analyse. Hein. Et Lacan l'a montré aussi, de l'analyste. Un vrai analyste, à un certain moment, est confronté à une certaine angoisse. Mais naturellement, s'il est analysé, il sait y faire, dans une certaine mesure, avec son angoisse. Mais chaque fois que je vais être confronté à mon désir et au rapport à l'autre, eh bien là, je vais angoisser. Et là, vous voyez, c'est pour bien distinguer avec de la simple peur, n'est-ce pas ? Peut-être qu'on en reparlera avec la phobie. Parce que la phobie n'est pas simplement une crainte exagérée, c'est un moment... Alors, finalement, quoi ? J'annonce la couleur. Moment de vérité. C'est d'autant plus important que l'angoisse semble énigmatique, inutile, superflue tout d'abord, hein, alors qu'elle est un signe extrêmement important du rapport à mon désir. Un sujet sans angoisse serait aussi un sujet sans désir. Voilà. Est-ce que ça veut dire, soyons très concrets, justement, vous parlez du vécu, est-ce que ça veut dire que lors d'une crise d'angoisse, on peut repartir de l'extrait de début, justement, la crise d'angoisse est le signe d'un désir qui ne serait pas nommé comme tel ? Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça, procéder comme ça ? Alors, il me permet de revenir au vécu d'abord. Voilà. Et chaque fois que je l'ai présenté, bon, les gens ont pu se reconnaître. Hein. Freud le dit, c'est quand même très frappant. J'ai été frappé par le fait que Freud présente la définition, enfin la description du vécu de l'angoisse, avant de voir l'explication, oui, l'une des plus complètes que je connaisse. Hein. Il dit qu'il y a trois choses dans l'angoisse. Premièrement, un sentiment de décharge motrice. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai l'impression que ma crise d'angoisse, c'est presque un pléonasme, hein, que mon angoisse en acte, je préférais dire, ne va jamais finir. Et c'est ça qui est angoissant. On s'angoisse de son angoisse. Mais par un sentiment de fourmillement moteur, neuromusculaire. Après tout, Freud a été médecin. Voilà. Deuxièmement, la perception, dit Freud. Des perceptions synesthésiques. Synesthésiques, c'est un mot pour dire la perception du corps, n'est-ce pas, de ses mouvements. Donc, vous voyez dans quel état je suis quand je suis angoissé, n'est-ce pas? Je décharge sans fin, alors que normalement, ma motricité sert au contraire à me concentrer, à agir sur le monde extérieur. Je ne peux plus agir sur le monde extérieur. Je suis entièrement passivé, mais hyperactif au plan moteur. Et d'autre part, je sens ces fourmillements, ces sensations. Et troisièmement, toute une série de sensations, dit Freud, dans le registre du plaisir des plaisirs. Alors ça, c'est un point très très important. Et Freud dit cette chose très juste, que il dit en allemand « Grundton », c'est-à-dire la tonalité fondamentale de l'angoisse, c'est le déplaisir. Mais un déplaisir qui a une saveur particulière. Il y a bien des expériences de déplaisir, mais quiconque est angoissé, n'est-ce pas, sent au goût amer, n'est-ce pas, de l'angoisse, ça y est, qu'elle est là. Et ça procure du plaisir. On y est enfin. Ça, c'est le pire des déplaisirs et c'est en même temps le lieu même où, n'est-ce pas, le sujet va se trouver confronté à une énigme. Voilà. Là où la philosophie, parce qu'ayant eu la double formation, moi, je suis très préoccupé par ça. C'est très très important. La problématique philosophique en elle-même. En aucun cas la psychanalyse fait l'économie de la philosophie. Mais en même temps, chaque fois que je suis confronté à des questions qui font l'objet d'une magnifique description métaphysique, il faut bien dire, ouais, eh bien, moi, je pense à la clinique. Pas la clinique simplement comme technique, mais le fait que c'est le symptôme qui nous renseigne. D'où d'ailleurs cette trilogie freudienne, inhibition, symptôme et angoisse. Quand je suis simplement inhibé, empêché, quand j'ai un symptôme constitué, hein, mais il y a aussi l'angoisse qui est cet affect universel, c'est pas, et qui est toujours un signal. Si à un certain moment le sujet dans l'analyse est confronté à l'angoisse, la vraie, hein, et sans doute qu'il faudra en reparler, hein, comment dit différencier la vraie. Est-ce qu'il y a une vraie angoisse et une fausse angoisse? Eh bien, plus exactement, il ne s'agit pas d'une évaluation qualitative, mais, n'est-ce pas, ça, comme dirait Lacan, ça ne moufte plus, quoi. Ça, voilà. C'est très, très curieux, l'angoisse. Parce que d'un côté, j'ai quelque chose qui me manque, mais je sais pas quoi. Et d'autre part, quelque chose qui ne me lâche pas. Ce qui est complètement contradictoire. Hein. Je suis pris dans une altérité telle que, il y a d'un côté l'incertitude. Hein, et il y a ce que Lacan appelle très, très joliment l'atroce certitude. Mais certitude de quelque chose dont je n'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Voilà. Donc, du coup, à vous de juger, mais Freud, sans vouloir faire de métaphysique, nous met vraiment dans quelque chose qui n'est pas simplement la crainte existentielle, justement, d'exister, hein, mais que c'est un moment de vérité du désir extrêmement contradictoire. Voilà. Et si cette vérité, c'était tout simplement la mort ? La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude ? ça finira. Est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle d'angoisse cette semaine, aujourd'hui, d'angoisse en psychanalyse en compagnie de Freud et Lacan, dont vous venez d'entendre la voix. C'était un extrait de la conférence de Louvain du 13 octobre 1972. La mort nous soutient et nous permet de supporter la vie que nous avons, les épreuves que nous traversons, Paul-Laurent Hassoun. Et finalement, c'est toujours un acte de foi. Quelle est la différence entre Freud et Lacan dans leur manière d'aborder, d'appréhender le phénomène de l'angoisse? Et d'abord de la mort. Du point de vue de la mort, n'est-ce pas, Freud dit que nous savons que nous sommes mortels, mais nous n'y croyons pas. Enfin, donc il y a déjà chez Freud cette idée-là. Pourquoi? Parce que si une seconde je me disais « ma mort m'attend », c'est évident d'abord que j'aurais une angoisse très forte, n'est-ce pas? Mais immédiatement, il y a comme une couverture qui vient, j'ai le temps, et surtout il y a une protection narcissique. Le déni. Voilà, un déni. Lacan, comme souvent accomplit Freud en l'inversant, hein, en disant qu'au contraire, c'est parce qu'on peut s'appuyer dans ce beau texte, enfin voilà, la conférence de Louvain sur ça, la pensée de sa mort, qu'on peut supporter la vie. Là où Freud dit qu'il ne faut pas exclure, belle formule aussi, la mort des comptes de la vie, hein, de la facture de la vie. Comme, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je... Comment dire? C'est une fonction de lâcheté qu'il y a dans la vie qui fait que j'ai le temps. Si je n'intègre pas véritablement la pensée de la mort, je ne suis pas dans le désir. Voilà. Le désir, c'est le moment où j'ai ce sentiment très fort, hein, de la vie et de la mort. Alors maintenant, oui, c'est connecter la mort avec l'angoisse, mais, alors là, je reconvoque Freud. Freud dit quelque chose qui fera sursauter en disant il n'y a pas d'angoisse de la mort. Et pourtant, bon. Mais ce qu'il veut dire, on le ressent bien, n'est-ce pas? Mais comme par hasard, on le ressent surtout quand il y a des proches, quand il y a une perte, quand on est dans le deuil. Mais la mort, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu puisqu'on est vivant. Par contre, il y a quelque chose qu'on connaît bien vivant, c'est l'angoisse de castration. Voilà. L'angoisse de castration. C'est l'angoisse de castration. C'est l'angoisse spécifique. L'article peut-être le plus fondamental de la psychanalyse, le plus difficile à exposer, d'autant plus qu'il n'est pas toujours corrélé à un vécu. Hein. Mais c'est précisément ce sentiment... comment dire, la castration, c'est évidemment pas simplement la peur d'être exonéré de ses organes génitaux, hein, voilà, ce qui arrive heureusement rarement, mais c'est le sentiment de plus pouvoir jouir du tout. Hein. La meilleure définition pour moi, c'est pas simplement ne pas pouvoir ceci ou cela, mais ne plus pouvoir. Voilà. Et ça, c'est un point très très important à comprendre, c'est-à-dire que c'est l'évolution même de la théorie de Freud, qui, au début de son œuvre, c'est un peu subtil, mais c'est important à comprendre, met l'accent sur le fait « je suis angoissé quand je suis confronté à ma pulsion et à mon insatisfaction pulsionnelle, quand il y a quelque chose qui manque. Mais pas simplement quelque chose qui manque, quelque chose qui laisse à désirer. Et c'est, au fond, le premier Freud pose que c'est parce que je suis pas bien dans ma satisfaction pulsionnelle qu'à un certain moment, je suis pris des sentiments de culpabilité, etc. » Mais Freud pense qu'il y a un os, indépendamment de l'insatisfaction ou de la satisfaction pulsionnelle, le fait qu'il y a cette angoisse de castration qui fait que le sujet, n'est-ce pas, du coup, il finit par dire que l'angoisse de castration est cause du refoulement. Et c'est parce que je veux contourner cette affaire-là, alors il faudrait bien sûr se demander pourquoi, hein, mais voilà, dans l'humain est sujet à castration, à angoisse de castration. Et l'angoisse de castration... et la manière que j'ai de me défendre contre la castration. Hein. Ce qui fait que l'angoisse est une protection. Hein. Donc l'angoisse est constitutive de notre vie psychique. Tout à fait. Voilà. Donc on ne pourra jamais se débarrasser de l'angoisse. Ben non, c'est la mort qui... Alors, paradoxalement, c'est la mort réelle, ouais, que vous avez très bien introduite, hein, qui fait que je suis enfin débarrassé du souci de vivre, du désir. Alors, il faut maintenant quand même venir à la question du sexuel. Pourquoi le sexuel est si important? non pas parce que Freud veut mettre du sexuel à toutes les sauces, mais parce que c'est avec la question du sexuel, parce qu'il y a bien des manières et des sujets pour être angoissé, mais avec le sexuel, le moi lui-même a toujours un problème très complexe du rapport à son corps jouissant, n'est-ce pas ? C'est l'une des plus grandes énigmes, d'une certaine manière, mais enfin, le sexuel, c'est le lieu même de l'angoisse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je désire, ce sont les vécus sexuels et amoureux qui donnent aux humains le maximum de satisfaction, dit Freud. Il est très net. Pourtant, on peut, comme dirait Spinoza, chercher les honneurs, les plaisirs et les richesses, mais par contre, le désir, c'est ce qui fait le sens de la vie. Enfin, Lacan dit même que la vie n'a aucun sens. Quels sont les moments où on se sent le plus vivre ? C'est pas simplement quand on est en bonne santé, ce qui est certes important, c'est quand on a un manque. Quand on a un manque ? Oui, et c'est le désir, c'est les moments du désir qui fait que l'être vivant et l'être parlant s'animent. Ce qui n'est pas exactement la philosophie de l'animal qui se contente de s'autoconserver. C'est pour ça que j'avais étudié le démon de midi, par exemple, qui est un phénomène assez spectaculaire d'un remaniement total de sujets qui ne sont pas forcément malheureux, mais qui à un certain moment manquent du manque. Voilà. Oui, mais le manque n'est pas forcément source d'angoisse. Le manque est nécessaire au désir. Sans manque, on ne désire pas, certes, mais où surgit l'angoisse dans le désir ? C'est pas simplement le manque. Ben oui, c'est ça. Lacan distingue, n'est-ce pas, et c'est une manière de poser les choses, n'est-ce pas, la jouissance, ouais, le désir et l'amour. C'est une belle trilogie, n'est-ce pas ? La jouissance, c'est je veux être propriétaire d'une satisfaction. Dans le désir, au contraire, je suis plus propriétaire de rien. Dans le vrai désir, je manque. Quand le sujet tombe amoureux et quand il est en état de désir, il sait comment désigner son manque. C'est cette femme qui me manque, c'est cet homme qui me manque, voilà. Et si c'est réciproque, c'est formidable. D'une certaine manière, c'est le moment où il y a une intensification de l'existence. Mais c'est très paradoxal, parce qu'à ce moment-là, je vais être sûr que je manque de quelque chose et que j'ai placé mon manque dans cet autre qui me permet de manquer de lui, comme dans l'expression « tu me manques ». Voilà. L'amour, c'est encore différent. L'amour est lié au désir, mais en même temps, dans l'amour, l'amour, c'est vouloir avoir un petit autre tout à soi. Il y a un côté collage dans l'amour. Voilà. Et c'est pour ça que c'est peut-être, l'amour est supérieur en un sens au désir, mais c'est peut-être le désir qui est le moment de vérité le plus important de l'inconscient, entre la jouissance et l'amour, n'est-ce pas ? Dans la mesure où là, je suis dans une dynamique pulsionnelle, voilà. Et ça pose toute la question aussi du vieillissement, dont j'ai parlé récemment, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'être vieux ? C'est pas simplement, on a l'âge que de ses artères, c'est vrai. La castration réelle, c'est le vieillissement, bon, voilà. Mais, si je manque plus de rien, je suis vieux, voilà, d'une certaine manière, voilà. C'est ce qui explique d'ailleurs que, vous voyez, c'est cette dimension qui apparaît essentielle. Donc, paradoxalement, la boucle est bouclée. Dans la mesure où je suis capable d'une angoisse, c'est curieux de dire être capable d'une angoisse, mais d'une angoisse qui fait qu'il y a des enjeux. Donc c'est un signe de bonne santé. La crise d'angoisse est un signe de jeunesse et de bonne santé. Oui, si vous voulez, évidemment, le mot santé est un mot médical. Oui. Qui renvoie à la... D'un bon fonctionnement, si vous voulez, alors. À la paix des organes, enfin la fameuse description de Le Riche, n'est-ce pas, du chirurgien Le Riche, c'est-à-dire, voilà, c'est... Oui, quand mes organes sont en paix, quand j'ai une continuité, mais je peux même être heureux. Mais désirer, c'est pas la même chose. Mais ça veut dire, si je suis votre logique jusqu'au bout, Paul-Laurent Hassoun, que ce désir de plénitude, de sérénité, d'absence de manque... que nous pouvons rechercher justement pour conjurer l'angoisse ou le stress, quel que soit le mot que nous mettons, que nous cherchons depuis l'Antiquité, que les stoïciens visaient à atteindre avec l'ataraxie, etc., ce serait en fait quelque chose qui serait synonyme d'une forme d'ultime vieillesse, voire de mort. Qu'au fond, cet état-là qui ne manque pas, qui ne désire pas, c'est pas la vie telle qu'on l'envie. Oui, c'est le sommeil, quoi. C'est le sommeil de l'être en bonne santé. Bon, voilà. Alors, pourquoi ? Parce que l'homme cherche le bonheur, Ça, Freud le dit bien dans Malaise dans la culture. Mais d'abord, il le trouve difficilement, mais aussi, il veut autre chose que le bonheur. Voilà. C'est pour ça que quand on avait fait un colloque sur le bonheur, c'est cette idée psychanalytique que j'ai mis en évidence. C'est pas du tout qu'on veut être malheureux, au contraire. Mais le bonheur endort dans une plénitude heureuse, un long fleuve tranquille, n'est-ce pas, c'est quand même agréable, hein, un long fleuve tranquille, faut pas exagérer. Hein. Oui. Sauf que ce que l'expérience clinique nous apprend, l'expérience anthropologique, le vécu même de l'homme, il suffit de se consulter, n'est-ce pas, c'est que quand je suis endormi dans mon bonheur, n'est-ce pas, ou en principe, justement dans le bonheur, j'ai exorcisé l'angoisse, ça va, bon. Hein. C'est quand ça va pas, que je suis dans ma position de désirante. Et c'est comme ça que j'entre en analyse. J'entre en analyse pourquoi ? Pas pour faire le tour de mon inconscient, ou pas parce que j'ai des problèmes, même professionnels ou sentimentaux, etc. Bien sûr, je vais en parler. Mais c'est pour comprendre mon désir. Lacan dira plus que l'objet de mon désir, la cause de mon désir. Voilà. Et alors, ça, évidemment, vous voyez que c'est lié évidemment à toutes ces notions, mais l'angoisse, finalement, c'est l'épicentre de ça. Ouais. C'est pas ? Donc, j'apporte mon angoisse, n'est-ce pas ? Je l'apporte à l'analyste. Lacan, qui complique les choses, dit qu'en même temps, je ne vais pas la donner, mon angoisse. Hein ? Alors, allons un peu plus loin, Paul-Laurent Hassoun, et distinguons, à la suite de Freud, justement, mais aussi de Lacan, distinguons la bonne angoisse de la mauvaise angoisse. Faisons référence à ce texte de Freud qui s'appelle « Au-delà du principe du plaisir », écrit en 1920, et dans lequel Freud se confronte au cas clinique de soldats qui rentrent du front et qui souffrent de névrose de guerre. En 2016, par exemple, ça peut donner ça. Moi, je m'appelle Jordan, et j'ai 6 ans et demi de service. Il y a eu beaucoup d'événements traumatisants suite à mes fonctions que j'avais. D'où la plus importante photographe section, qui était de répertorier tout ce qu'on trouvait, les corps et aussi la blessure d'un camarade que j'ai secouru. Forcément, le déclic vient après, quand vous dormez avec l'appel de ce camarade qui est toujours là. On l'entend et on le voit tout le temps. Quand je suis entré chez moi, je dormais plus, j'ai commencé à être agressif, etc. Ma mère m'a pas reconnu. Elle m'a dit c'est pas toi. Même avec les cachets que j'ai eu pour m'aider à dormir, mon esprit dormait, enfin du moins moi je dormais, mais mon corps dormait pas et du coup ma femme ne dormait pas. Parce que elle se prenait des coups, je faisais comme du somnambulisme dès qu'il y avait un bruit dans la maison, où je me planquais sous le lit, des trucs comme ça. Paul-Laurent Hassoun, ce que décrit ce soldat ici, Jordan, c'est un extrait de l'émission Interception diffusée sur France Inter en juin 2016. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Freud parlerait de compulsion de répétition et il examine le cas de manière très sérieuse et c'est même à partir de cet examen qu'il va introduire ce qu'on appellera ensuite l'importance de la pulsion de mort, n'est-ce pas ? Le problème c'est que l'effet post-traumatique, la psychose post-traumatique, c'est pas qu'elle n'a pas de valeur descriptive, mais elle explique rien. Ça c'est un point qui me paraît très très important. Pourquoi ? Parce qu'on est encore là dans la théorie du choc. Le choc, c'est extrêmement important, bien sûr, mais c'est l'enfoncement du par-excitation qui fait que si on répète, c'est pas simplement parce que, un peu dans certaines séries américaines ou autres, l'image de l'horreur revient. Oui, d'ailleurs, dans ce cas, on entend l'idée de la perception des corps morts, etc., des corps morts d'hommes, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant le trauma, mon moi, complètement enfoncé, cherche à faire quand même une synthèse. Et si je répète, c'est parce que je continue à prendre ce pli, comme si je continue à m'adapter à un danger qui n'existe plus actuellement. Voilà. Et évidemment, comme par hasard, vous avez tout à fait raison, quand Freud introduit l'au-delà du principe de plaisir, qui est quand même où il corrige sa copie, où jusqu'à présent il disait que le plaisir était le recteur de la vie psychique, voilà, comme automatisme. Or, je trouve ça extraordinaire chez Freud, cette capacité, n'est-ce pas, à se mettre lui-même des bâtons dans les roues pour mieux comprendre le réel. Hein. Comme par hasard, 1920, c'est juste après la Première Guerre mondiale, ce sont notamment les psychonévroses de guerre qui nous ont renseigné sur ces moments où le sujet répète. Parce que pourquoi, après tout, je répète un trauma de paix ou de guerre, quelque chose de déplaisant ? On peut dire, je le répète pour essayer de m'en débarrasser par la répétition. Oui, mais pas seulement. Il y a un plaisir morbide de répéter. C'est-à-dire qu'on passe de la répétition du plaisir au plaisir de la répétition. Voilà. Et c'est ce point évidemment essentiel qui fait que le sujet capté dans un univers morbide, n'est-ce pas, où il reste collé à ce, on vient d'entendre, à ce moment-là qui est absolument essentiel. Alors, qui est d'une certaine manière, on pourrait dire parce que c'est face à l'horreur de la guerre, la proximité des corps, etc. Oui, mais c'est aussi d'être embarqué dans un mixte incroyable de où il n'y a que des corps, quoi. Hein. C'est quelque chose qui pourrait rapprocher d'une jouissance, mais une jouissance absolument morbide. Oui, on n'a pas envie d'entendre parler de plaisir ou de jouissance quand on entend ce témoignage. Oui, mais parce que le mot jouissance, qui désigne couramment un plaisir très fort, donc non, le moins qu'on puisse dire. Mais la jouissance, du moins telle que Lacan l'aurait dit, moi ce que j'aime bien c'est de les faire fonctionner les deux pour voir comment ils dialoguent en quelque sorte, c'est que je peux prendre un plaisir morbide à répéter. Hein. Un peu comme on dit, mais on dirait que ça leur fait plaisir. Quoi. Hein. Les proches peuvent dire, bon écoute, c'est vrai, c'est dur, mais maintenant tu y reviens toujours, mais c'est pas possible. On dirait que ça te fait plaisir. Ben oui, mais on n'est pas plus dans le plaisir. On est dans quelque chose qui est pire, le pire. Ouais. Mais le pire qui fait que... Mais ça va bien au-delà du trauma. Regardez chez les sujets drogués, Regardez des sujets. Alors Freud, n'est-ce pas, dit, mais oui, ces gens qui ont toujours dans la vie les mêmes, la répétition, ils rencontrent toujours des femmes qui les détruisent, mais ils reprennent la même relation, ou des amitiés qui se terminent mal, ou le masochisme. Bon. Donc Freud dit à ce moment-là, ben, il faut changer, il faut, si j'ose dire maintenant dans notre langage, il faut changer de logiciel théorique. Hein. C'est ça, mais est-ce que du coup l'angoisse ne serait pas une manière pour le psychisme de trouver du plaisir à ce qui risque de nous détruire au fond ? Ben oui. Mais ça, le plaisir pris, pourquoi pas, à la guerre, à reconnaître cette pulsion de mort extrêmement destructrice. Oui. Vous savez, ce que Freud dit, il a écrit un texte en 1919, ce qui est peu connu, sur les psychonévroses de guerre, juste à la fin de la guerre. Où il dit notamment, c'est aussi Karl Abraham qui a développé ça, que qui tombe malade pendant la guerre, on peut dire c'est parce qu'il y a un excès d'excitation insupportable. C'est pas faux. Mais comme par hasard, ceux qui tombent malades, ce sont ceux qui font une psychonévrose de guerre. Il y a des documents où on voit le syndrome de tremblement pendant la guerre de 14, c'est inimaginable. Vous essayeriez de trembler, vous ne pourriez pas. Ouais. Voilà. Mais Freud montre que dans la guerre, j'ai peur autant que de mes ennemis, qui sont redoutables, et de l'échéance, la mort, c'est vrai. Mais j'ai peur de moi. L'idée de Freud, c'est que j'ai peur, quand je passe de mon mois de temps de paix à mon mois de temps de guerre, hein, c'est tristement d'actualité. Hein, oui. Vous voyez, à ce moment-là, j'ai affaire comme à mon double. Parce que je peux... De quoi j'ai peur exactement ? Narcissiquement, d'être tenté de faire des choses extravagantes, par exemple des actes de Wagnis en allemand, c'est des actions audacieuses, quoi, qui fait que je vais tromper mes propres pulsions d'autoconservation. Vous voyez ? Ça affine énormément la question. Donc, c'est pour ça qu'il est étonnant qu'on continue à avoir une théorie du choc aussi sommaire souvent, pour bien comprendre ce qui se passe dans la souffrance traumatique, c'est ça, c'est le sujet qu'on a entendu. Non seulement il réagit à quelque chose d'insupportable qu'il a vécu, c'est vrai, un excès d'excitation mortifère, mais en même temps, il a sans arrêt rendez-vous à nouveau avec cette expérience, n'est-ce pas ? Il ne l'aime pas, cette expérience, il la maudit même. Mais en même temps, il y a cette compulsion de répétition, n'est-ce pas, qui fait que, comme par hasard, il parle de sa femme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'éros qui est compromis, qui est suspendu, hein, et qui fait que, voilà, c'est là où la guerre est un traumatisme collectif pur, qui est évidemment le lieu même de l'angoisse et de la pulsion de mort. Voilà. Quoi ? C'est le napalm, fils. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niak, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines sur toute la colline. Comme l'odeur de la victoire. Il n'y aura pas toujours cette guerre. Il n'est pas douteux que la guerre ait pour résultat de créer une solidarité psychologique accrue entre les membres de la collectivité. La dernière période de véritable unité nationale que la France ait connue, c'est la Première Guerre mondiale. La guerre est certainement un ciment moral des collectivités. Et du même coup, la guerre, souvent, libère les individus tourmentés d'une partie de leurs tourments. Et je sais par mon propre cas que ceux qui dorment mal dorment souvent mieux dans les périodes où, normalement, on devrait dormir plus mal. C'est-à-dire que j'ai le souvenir de n'avoir jamais si bien dormi de ma vie que pendant le Blitz de Londres. Le bruit du canon exerçait une influence apaisante et... Le sentiment que l'événement était là et l'espèce d'intérêt passionné que l'on prenait aux événements avait, sur moi et sur beaucoup d'autres, un effet psychologique. Et ne croyez pas qu'il faut être beaucoup plus anormal que la normale pour connaître une espèce de réaction de cet ordre. C'est un phénomène extraordinairement banal. Retour au vécu, hein, comme vous diriez Paul-Laurent Hassoun. Ici, avec Raymond Aron, vous étiez en train d'acquiescer lorsqu'il disait que voilà, la guerre libère les individus tourmentés d'une partie de leur tourment, qu'ils n'avaient jamais aussi bien dormi que pendant qu'en période de guerre, au fond. Ben oui, Raymond Aron, il n'a pas beaucoup parlé de l'inconscient. Non, mais là, il est tout à fait freudien, sans le savoir. Bon. Oui, jusqu'à dire que la guerre est un ciment moral des collectivités, dit-il. Oui, moi, il y a une formule, c'est le général Lee, qui, pendant la guerre de sécession, qui a été quand même très sanglante aux États-Unis, a dit à l'un de ses adjoints, quand il voyait ses troupes en train de faire corps et de se déployer, il dit, une confession en disant, heureusement que la guerre est une horreur, parce que sinon... ça serait quelque chose de beau. Voilà. Et cette discordance, voilà, de sentiments, quelque chose qui est bien de l'horreur, mais qui en même temps renvoie à quelque chose de l'ordre. Au fond, qu'est-ce que c'est que la guerre ? Du point de vue inconscient, c'est le plein emploi de la pulsion de mort. C'est pour ça qu'on peut confirmer que la guerre sera aussi aura autant de longévité que l'espèce humaine, c'est certain. Voilà. Ce qui fait que quand je rentre en état de guerre, oui, alors c'est paradoxal, parce que la guerre, c'est la pulsion de mort, mais en même temps, la guerre crée de l'unité. On voit bien comment un peuple qui doit se défendre, a une solidarité qu'il n'aura jamais. La paix corrompt. Paradoxalement, c'est pas du tout qu'il faille souhaiter la guerre. Parce qu'il y a des gens qui disent... aux adolescents, nous on a connu la guerre, il leur faudrait une bonne guerre. Bon, cet énoncé est forcément assez sadique, il renvoie quelque chose qui a un grain de vérité. C'est quand même très intéressant de voir comme l'Europe se réveille brusquement en comprenant ce que c'est que la guerre. Mais ça, où c'est très, si j'ose dire, c'est très utile de ce point de vue-là. Mais donc ça veut dire que moins il y a de guerre, plus nous sommes angoissés. Puisque l'angoisse n'est pas justement la peur de la guerre, mais une peur diffuse, quand on n'arrive pas à nommer un objet, l'avantage entre, je mets énormément de guillemets, de la guerre, serait qu'il nous met, ce que vous dites, face à la pulsion de mort, celle-ci fonctionne à plein emploi, donc il y a moins de place pour l'angoisse. Oui, sauf à ajouter qu'il y a des gens qui sont en état de guerre alors qu'on est en temps de paix. Voilà. Et il me semble que dans la drogue... Il y a un état de guerre à titre individuel, je veux dire. Ouais. C'est ça. Mais la guerre a... aussi ce moment de vérité, alors là voilà, on va peut-être trouver la graphe avec l'angoisse justement, c'est que il y a plus moyen de baratiner, il y a plus moyen de tenir un discours, n'est-ce pas? L'acte est requis, c'est pas. C'est aussi le lieu même où le grand homme montre ce qu'il peut. Enfin, De Gaulle, voilà. C'est-à-dire garder son sang-froid face à la guerre, qui est un moment de vérité. C'est la guerre qui, d'après Hegel, n'est-ce pas, fait la dialectique du maître et de l'esclave. Hein, voilà. C'est pour ça que la guerre apparaît comme le moment de vérité. Ou alors, ce que disait Raymond Aron, c'est intéressant, hein, c'est qu'effectivement, c'est comme Dostoïevski qui avait des crises d'épilepsie, mais quand il était au bagne, il était en forme. L'épreuve, c'est ce qui permet de nouer, et là, ça va me permettre d'expliquer quelque chose qui est un peu métapsychologique, autant dans la théorie freudienne assez complexe, mais c'est ce que Freud appelle l'union et la désunion des pulsions, de vie, et en l'occurrence de vie et de mort. Hein. Un point important, la pulsion de mort n'est pas forcément absolument mauvaise, elle a un côté démonique. Hein. C'est quand quelque chose se désorganise en moi. Mais j'ai besoin toujours de cette négativité. Le désir, sans cette négativité, ça serait rien. Et ce qu'on disait tout à l'heure, le bonheur, c'est continu. Hein, tandis que le désir, c'est un mélange très particulier de pulsions de vie et de pulsions de mort qui rend mon existence plus intense. Voilà. C'est pour ça que les baroudeurs, je ne vais pas parler de Rambo, mais enfin quand même. Voilà, c'est des gens qui ne peuvent pas concevoir la vie dans l'état de paix, n'est-ce pas ? Et mourir au combat, c'est la seule manière d'être conforme à cette relation-là, n'est-ce pas ? Et ça, pardonnez-moi, mais oui. Ça, c'est quelque chose qui peut évoluer. Ce que vous dites sur, vous prenez l'exemple de Rambo, pourquoi pas hein, donc le besoin de tuer, le plaisir de taper, le plaisir de détruire. Est-ce que c'est quelque chose que la psychanalyse peut faire évoluer ? J'ose pas dire guérir. Hein. Bon, alors d'abord, il y a ce que Freud appelle une pulsion de destruction. Voilà. Mais cette pulsion de destruction pour lui n'est pas à part. Il ne parle pas, par exemple, de violence fondamentale. Hein. Non, c'est la pulsion de mort qui est essentielle. Donc, quand je suis très destructif, vous voyez, quand on dit, par exemple, pourquoi tant de haine ? Ce qui est d'une naïveté extraordinaire. Parce que pourquoi tant de haine ? Parce que la pulsion de mort. Bon, c'est ce qui fait quand même la limite d'un certain humanisme, voilà, qui est dans cette position-là. Quoi. C'est ceux qui font la guerre pour le pire et parfois le meilleur, parce qu'il y a des guerres justes. Hein. Bon. Mm-hmm. C'est eux qui savent ce que c'est que le réel. Voilà. Mais le moment où ça va mal dans le psychisme et comme dans la vie collective, c'est quand les pulsions de vie et de mort, c'est-à-dire les pulsions érotiques surtout, hein, et d'autoconservation d'un côté, les pulsions de mort de l'autre, se désunissent. Moi, ce que je représente un peu comme un putsch de la pulsion de mort, qui n'est pas mauvaise en soi. C'est ça, en fait, elle n'est pas forcément pathologique, la pulsion de mort. Mais non. Mais elle peut le devenir. Mais c'est ça, c'est pas simplement pour donner du sel à la vie. Mais quand le sujet est capable de détruire une vie heureuse pour quelque chose du désir... Vous voyez bien que même quand on prend une décision dans sa vie, et ça l'analyste le sait bien en accompagnant les patients, hein, tel qu'à un certain moment il doit lâcher quelque chose, hein, il doit mobiliser sa pulsion de mort. Hein. Sinon il ne lâcherait jamais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sujets qui restent dans des situations inextricables, qui passent leur temps à dire qu'ils ne peuvent pas supporter leur couple, par exemple. Nous, ça ne nous regarde pas ce qu'ils doivent faire, mais qui disent à la fois qu'ils ne peuvent pas supporter. Et qui restent, qui sont inséparables. Du coup, la pulsion de mort, qui ne trouve pas un débouché dans le moment de perte, parce qu'il y a toujours une perte sèche. Décider, c'est lâcher, c'est ce que vous dites. Voilà, mais elle va se mettre par quoi ? Par exemple, par un comportement de harcèlement plus ou moins sadique à l'intérieur du couple. Donc, c'est des gens qui ne se séparent pas, mais qui s'entretuent, hein, moralement. Oui. Parce qu'ils ont peur de lâcher, comme vous dites. Voilà. D'où cette... Le conservatisme, c'est toujours l'idée de je ne veux rien savoir de la pulsion de mort ou des côtés nocturnes de la vie, hein, parce que je défends des valeurs, voilà. C'est identitaire, c'est tout à fait identitaire, ça. La question de l'identité est une question qui peut être importante, mais en même temps, l'identitarisme, c'est presque une vision, comment dire, on dit parfois dans notre langage, incestueuse, parce qu'il faut, c'est le même qui est bon. C'est le même qui est bon. Moi, je ne parlerai pas que la diversité soit bonne, c'est l'altérité qui est bonne. Mmh. Voilà. Et ça, on retombe sur le désir. Bon. Alors, dans la guerre, je détruis mon prochain avec un acharnement extraordinaire, hein, Mais en même temps, vous voyez bien que les anciens combattants, ils avaient entre eux, évidemment, ça peut devenir du nationalisme, du bellicisme, etc. Mais c'est en même temps, ils ont eu un lien très particulier. Il faut bien dire que ça a été un lien aussi entre hommes. Ce qui fait qu'il y a indéniablement une composante secrète homosexuée. Je ne dis pas que ce sont des sujets homosexuels. Je dis simplement qu'on voit bien que ces corps d'hommes perçus par des hommes, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui, à un certain moment, réactive des ambiguïtés, qui fait, ben, comme par hasard, avec sa femme, qu'il aime sans doute, ça devient plus compliqué. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme en temps de guerre est le paroxysme du psychisme humain ? Au fond, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Oui, c'est ça. Mais la guerre. Vous avez bien entendu que ce n'est pas un éloge de la guerre. À l'extérieur, oui, non, mais c'est à l'image de la guerre que nous pouvons vivre de manière interne, au fond. Tout à fait. Il faut que. Et vous posez une question, je vais y venir, mais une question très difficile, alors que faire, hein ? Mais en tout cas, il y a toujours un dosage des pulsions de mort et de vie, n'est-ce pas ? Si mes pulsions de mort ne trouvent pas un emploi, je suis mal. Si elles trouvent un emploi catastrophique, parce que c'est ça, c'est le moment de la catastrophe, ça. Hein, c'est quand de la mort, voilà, c'est, ça va, on est servi, là, de la pandémie à la guerre, voilà. Hein. À ce moment-là, c'est comme Celan disait du nazisme, c'est la mort maître ou maîtresse d'Allemagne. Oui, c'est la formule la plus saisissante. Le nazisme, c'est vraiment la mort qui a un punch incroyable. Hein, incroyable, c'est de la haine pure. Qui va à ce moment-là vers l'extermination. Hein. D'ailleurs, ouais, en ce moment, on essaie de distinguer la guerre, les atrocités normales de la guerre, les crimes de guerre, le génocide, les crimes de guerre à caractère génocidaire. On gagnerait à ce que les analystes expliquent un peu. Hein. Et puis, pas bazarder des diagnostics. Par exemple, dire le délire. Oui, il y a des hommes politiques délirants qui sont au pouvoir. Mais ne mélangeons pas tout. Le politique, c'est le politique. La psychopathologie, c'est la psychopathologie. Oui, il y a des gens qui ont une pulsion haineuse, paranoïa, qui fait que ça devient des politiques très actifs. Mais c'est une paranoïa stabilisée. Un vrai paranoïa qui va... Évidemment, il peut être dangereux en se vengeant, etc., en croyant être persécuté. Mais il fait surtout du mal à lui-même. Tandis que ces sujets-là, ils font du mal à l'autre. Bon. Et d'ailleurs, les paranoïaques peuvent avoir un sens politique aigu. Alors, quand on débarque, vous voyez, là, on est dans une question qui est vraiment... Je ne veux pas faire d'éditorial, mais entre le fait de soupçonner qu'il y a là quelque chose de l'ordre de la haine... Par exemple, un sujet qui ne fait pas la guerre ou qui n'est pas agressif, il est angoissé. Voilà, c'est ça. Ça le soutient, n'est-ce pas, comme dirait Lacan. Voilà, ça le soutient, il est bien, quoi. Alors justement, prenons un exemple, parce qu'on va s'éloigner un tout petit peu de la guerre pour la fin de cette émission. Si on revient dans l'angoisse telle qu'elle, prenons un exemple de vertu féconde et créative de l'angoisse. Regardez comment répond l'écrivain Henri Troyat lorsque lui demande à quoi ressemble le travail de l'écrivain. C'est un travail ardu, un travail de chaque instant. Je ne crois pas tellement à l'inspiration. C'est-à-dire qu'il vous arrive des cadeaux, il vous arrive des phrases tout à coup, il vous arrive des épithètes, il vous arrive des mots qui vous réjouissent, mais dans l'ensemble, le travail de l'écrivain est un travail pénible, lent et régulier. À partir du moment où vous prenez votre plume et où vous trouvez devant la page blanche, eh bien, c'est une angoisse. Moi, pour ma part, chaque fois que je commence un roman, j'ai l'impression d'être un nez débutant. Et je me dis, je vais enfin donner ma mesure. Tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent ne signifie rien. Je vais enfin donner ma mesure. Et puis, je pars dans ce roman et je m'aperçois que d'erreur en erreur, de rature en rature, ce roman idéal dont j'avais rêvé s'éloigne de moi et que je fais un à peu près. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Alors Paul-Laurent Hassoun, quel type d'angoisse est l'angoisse de la page blanche que décrit ici l'écrivain ? Redistingue trois formes d'angoisse qui va nous permettre de faire une synthèse. Oui, L'angoisse de séparation. Qui commence que lorsque le nourrisson, qui ne parle pas encore, mais qui voit sa mère s'éloigner, est crucifié par l'angoisse. Freud dit même, d'ailleurs, très très justement, que c'est de la douleur, le visage décomposé. Ce qui fait que toute séparation d'une vie, même quand la séparation est nécessaire ou souhaitable, est une catastrophe subjective. Bon, mais c'est repris après par l'angoisse de castration qu'il ne faut pas oublier. Et il y a angoisse de séparation, angoisse de castration. Et une troisième forme que Freud appelle, il écrit en, toujours entre guillemets, l'angoisse sociale. L'angoisse sociale, c'est, mais il faudrait mettre ici aussi l'angoisse de l'écriture. Et là, vous voyez apparaître un maillon qui nous manque encore, qui est le surmoi. Hein ? Le surmoi, c'est le moi du dessus. C'est bien la première fois où il manquerait. Voilà. Mais le surmoi, comme par hasard, Freud écrit un texte qui s'appelle « Le moi et le ça », et il parle... Enfin, c'est pas dans le titre, quoi. Mais c'est cette puissance qui vient de mon Œdipe, qui vient de mes premières expériences de désir et d'interdit, car il faut prononcer le terme de complexe d'Œdipe. Mais j'ai lutté avec mes parents, etc. Mais à partir de là, j'incorpore à mon propre compte quelque chose qui m'oblige à quoi ? Eh ben, par exemple, à travailler. Pourquoi est-ce que... voilà, je réponds donc à Troyen, n'est-ce pas ? Il est en train de nous parler son surmoi. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne à écrire alors que c'est une angoisse, c'est un déplaisir ? Quand vous voyez les efforts que représente un livre, vous vous dites... Notamment, vous apercevez de ça une très bonne idée, on y va, etc. Et si vous ne voulez pas rendre quelque chose qui soit, je vais le dire brutalement, un torchon... Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de surmoi, de ce point de vue-là, et puis ça tout passe. Bon. Mais non, mais on se torture en même temps. Voilà. Et on aime ça. Et on aime ça. Et donc, le travail, la guerre, c'est tout à fait différent, parce que le travail, ce côté culturel, justement, qui est beaucoup plus valorisé. Mais au fond, on a Freud nous dit qu'en même temps, le surmoi de la culture, de l'être très cultivé, donc en général pacifique, hein, parce que Freud dit que, n'est-ce pas, la guerre, on ne peut pas accepter la guerre dès lors qu'on est du point de vue de la culture. Mais en même temps, Freud le dit bien, on se demande pourquoi on condamne la guerre, parce qu'elle est inhérente à l'homme. Oui, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, je vais faire des choses telles que je vais quand même me torturer un peu, hein. Il va falloir que, je ne sais pas, je travaille jusqu'à 4 heures du matin. Moi, j'avais eu cette expérience au moment du dictionnaire des œuvres psychanalytiques que j'avais fait seul. C'est indescriptible, hein. Certes des années, mais aussi des moments où vous reniez surtout. Vous êtes, même si vous n'êtes pas insomniaque, il faut renier. Et donc là, il y a une satisfaction quand même derrière. Et voilà. Laquelle ? Celle du sacrifice, du travail, du plaisir au-delà du principe de plaisir. C'est-à-dire, c'est le moment, c'est là où Freud a distingué, dans au-delà du principe de plaisir, le plaisir et la satisfaction. Quelle différence, on terminera là-dessus. Dites-nous quelle est la différence entre les deux. Ben, c'est que je suis satisfait de sentir l'effort que j'ai fait, n'est-ce pas, pour m'infliger une peine, un effort. Bon. Mais voyez pas l'effort au sens où, je ne sais pas de quelle idée faite des efforts, c'est bien en soi. Non, mais quelque chose qui est une régulation de la libido. C'est pour ça que Freud dit bien que c'est le travail qui est l'un des meilleurs régulateurs de la libido, parce que ça nous attache à ce morceau de réalité qui est la communauté humaine. Voilà. Ça marche avec les émissions quotidiennes. Merci beaucoup Paul-Laurent Hassoun d'être venu ce matin nous parler de l'angoisse. On peut lire notamment vos leçons psychanalytiques sur l'angoisse et on mettra votre bibliographie en ligne sur le site de France Culture. I could not foresee this thing happening to you. Paint in Black, Paint it Black des Rolling Stones. Ça marche aussi en chanson, l'angoisse. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir le philosophe Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Pourquoi distingue-t-on république et démocratie ? Il y a un débat qui traverse l'histoire de la philosophie politique et des régimes modernes en particulier, et de nos débats sociaux aussi dans nos sociétés contemporaines. C'est la distinction ou au contraire l'inséparabilité entre république et démocratie. Pour nous, en France, dans notre histoire, il semble y avoir là quelque chose d'unique, d'indissociable. La république est indissociable de la démocratie et inversement. Pourtant, il y a aussi une opposition que certains mènent à une tendance extrême qui consiste même à opposer l'une et l'autre. Il y a des républicains et des démocrates, c'est même le nom dans certains pays de deux partis opposés. Et il y a eu en France justement une controverse très violente entre la République et la démocratie. L'important est de comprendre en quoi elles se distinguent, mais en quoi aussi elles sont complémentaire. Qu'est-ce qui définit la République dans un premier temps ? La République, c'est d'abord la définition d'un bien commun appartenant à tous les citoyens d'une société donnée, un bien commun qui va d'abord s'imposer par-dessus les intérêts individuels, qui va faire une sorte de communauté des citoyens qu'ils doivent tous gérer conjointement, mais qui les dépasse en quelque sorte, qui constitue un objet collectif dépassant les intérêts individuels et non seulement dans des biens communs matériels, mais d'abord dans des principes communs, la liberté elle-même étant d'abord quelque chose que tout le monde doit défendre contre des empiétements des uns ou des autres. Et c'est cette définition d'un bien commun supérieur aux intérêts individuels que certains opposent à la démocratie. Parce que dans la démocratie, au contraire, c'est l'égalité des uns et des autres, comme si tout se valait. Et certains opposent, par exemple, la laïcité comme valeur républicaine, qui est neutre par rapport aux intérêts individuels, et la reconnaissance démocratique de la diversité, du multiculturalisme, de la pluralité, par exemple, des religions. Comment concilier la tolérance et même la revendication de chacun égal à tous, une forme de risque relativiste en démocratie, et d'un côté, et d'autre part, la préservation d'un bien commun qui dépasse les uns et les autres, et peut-être qui les ramène à des sujets neutres, de purs citoyens, sans identité, sans différence, alors que la démocratie, c'est l'exaltation des différences. On a pourtant besoin des deux. Pourquoi ? Parce que dans la grande tradition républicaine, la liberté n'est pas seulement un bien commun absolu et neutre, c'est d'abord le refus de la domination des uns par les autres. C'est donc aussi une revendication démocratique. Et inversement, en démocratie, la reconnaissance des différences, de l'égalité par exemple des parents et des enfants, par exemple des différentes religions, par exemple des différentes identités, quelles qu'elles soient, doit passer par un cadre commun et par la définition de priorités collectives. Ainsi, on doit revendiquer à la fois la République et la démocratie, le bien commun et l'égalité mutuelle dans un cadre public pour la préservation d'une société commune qui doit s'étendre aussi à l'ensemble de l'humanité. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le pourquoi du comment est à réécouter en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Thaïs Éloi Hammer, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda, Nicolas Berger et Thomas Jost à la réalisation. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Ludovic Auger. À la lecture des textes, Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de l'angoisse. Demain, nous serons en compagnie de Kierkegaard, le philosophe Søren Kierkegaard, pour qui l'angoisse est le vertige de la liberté. Ce sera Vincent Delecroix qui sera à ce micro pour vous en dire plus. D'ici là, réécoutez l'émission, téléchargez-la, podcastez-la, rendez-vous sur les réseaux sociaux et surtout, restez à l'écoute sur France Culture.